Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Juréthique Playlist, le podcast des questions éthiques et juridiques sur la diffusion des données de la recherche dans le monde académique. Réalisé auprès d'expertes et d'experts issus de diverses disciplines, ces podcasts sous forme d'entretiens mettent en lumière des questionnements éthiques et juridiques en relation avec la dissémination des données. Toutes et tous partagent leurs analyses et observations de situations vécues dans le cadre de leurs travaux scientifiques ou de leur expérience professionnelle. Bonne écoute. J'ai rencontré Damien Davy à Cayenne lors d'un séjour professionnel à l'Université de Guyane en avril 2025. Ses connaissances d'ethnoécologue et son expérience dans l'application du protocole de Nagoya éclairent les questions juridiques et éthiques qui se posent sur le terrain pour le partage des savoirs des populations natives. L'occasion d'enregistrer le sixième épisode du podcast Juréthique Playlist que nous avons intitulé « Partage des savoirs et protocoles de Nagoya ». Damien Davy est ingénieur de recherche au CNRS depuis 2008. Il est venu en Guyane pour réaliser son terrain d'anthropologue pour son master puis pour sa thèse. Depuis, il n'a cessé de travailler avec les populations amérindiennes qui vivent en Guyane française, territoire frontalier avec le Brésil. Dans une approche anthropologique et ethnobotanique, Damien Davy s'intéresse au savoir, aux connaissances, aux discours, aux représentations qu'ont les peuples autochtones. Comment ils utilisent, réfléchissent, classent et s'approprient plantes et animaux. Quel regard portent-ils sur la nature? Ces recherches ont pour objet les relations des Amérindiens de Guyane avec les plantes, plus particulièrement avec les plantes techniques pour la vannerie, c'est-à-dire la fabrication des paniers, hottes, tamis et autres objets utiles en Amazonie. Alors pour commencer, Damien Davy, est-ce que vous pouvez nous parler de ce territoire qu'est la Guyane française et des Amérindiens qui y vivent ? Bonjour. Alors, j'ai travaillé avec toutes les communautés de Guyane. Donc aujourd'hui, il y a 6 peuples différents, avec 6 langues en Guyane, qui représentent un peu moins de 15 000 personnes aujourd'hui, sur à peu près 300 000 personnes qui habitent en Guyane. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler avec les communautés qu'on appelle afro-descendantes, les créoles et les bouchinangués, aloukous. Puisqu'ils font aussi un petit peu de la vannerie. Et puis depuis 2008 et puis 2014, je dirige un observatoire homme-milieu au Yapok qui a été lancé par le CNRS. Donc il y a aujourd'hui 13 observatoires homme-milieu en France et dans le monde. Et on s'intéresse aux interactions homme-milieu avec des approches qu'on appelle socio-écosystémiques, c'est-à-dire comment des événements anthropiques, des événements créés par les humains, bouleversent un peu les relations entre les hommes, les sociétés humaines du moins, les hommes et les femmes bien sûr, et leur environnement, les milieux dans lesquels ils vivent. Donc depuis maintenant, je me suis spécialisé à travailler beaucoup avec les peuples qui vivent sur le fleuve Oyapok. Okay. Donc le Yapok qui est la plus grande frontière que la France a avec un pays étranger, avec le Brésil. Alors, c'est vrai que ça paraît loin, parce que voilà. Mais donc depuis quelques années, je travaille essentiellement avec 3 peuples amérindiens, les Palicours qui vivent sur le bas Oyapok, à Saint-Georges de l'Oyapok, les Teco à Camopi et les Wayampi aussi qui vivent à Camopi et à Trois-Sauts. Voilà. Et je travaille sur leur savoir à la nature, sur leur relation aussi au territoire. Et puis c'est aussi sur leur histoire, leur mythologie, puisque quand on entre par l'appréhension d'une plante, la relation avec des animaux, il y a plein de choses culturelles. Il y a la chasse, il y a les mythologies, il y a comment on pense le vivant, comment on voit les relations avec les êtres vivants que nous on appelle naturels dans le monde occidental, mais aussi plein d'êtres qu'on pourrait appeler surnaturels, mais qui ne sont pas surnaturels pour eux, qui sont bien existants. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi pour comprendre comment on pense le monde, puisqu'on le sait maintenant de plus en plus, mais ça fait longtemps qu'on en parle, qu'il n'y a pas qu'une manière d'appréhender le monde, il n'y a pas qu'une manière d'être au monde ou de gérer ses relations avec le vivant, ou comme on dit maintenant, l'humain, les non-humains, ou tous les éléments de la nature, en tout cas les entités qui vivent autour de nous. Et donc, dans vos recherches, en collaborant avec ces populations, comment avez-vous envisagé le règlement des questions éthiques, le partage et la diffusion du savoir? Et est-ce que des questions juridiques se sont posées? Alors là, ça, c'est vraiment un dossier très important. Alors, c'est vrai que moi, je vous dis, là, on est en 2025, je travaille depuis le début des années 2000. Donc, en fait, depuis que j'ai commencé, j'ai pu voir un peu les évolutions, d'un côté, d'un point de vue juridique. tous les aspects éthiques, ils existent dans la recherche en anthropologie, surtout en ethnoécologie, depuis les années 1990. Vous savez, on a tous en tête la grande réunion à Rio en 92, qui a donné la convention pour la diversité biologique, dont la France est signatrice. Et je l'ai appris à l'université, donc le fameux article 8J qui enjoint les nations signatrices à prendre en compte les savoirs locaux, les populations, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont, dès le départ de ma formation, importantes à prendre en compte. Alors, moi, j'ai commencé... On vous a formé à ces questions, en tout cas. Oui, mais il n'y avait pas de cadre juridique. On était sur des choses à une époque non contraignante. Dans la mesure où, on le sait, beaucoup de traités internationaux, même si je ne suis pas juriste, mais les juristes me l'ont expliqué, il y en a beaucoup qui sont non contraignants. C'est comme quand le fameux article 169 d'Organisation internationale du travail qui reconnaît l'autochtonie, donc la France ne l'a pas signé, puisque on a toute cette ambiguïté, je pense qu'il faut le dire dès le départ. En France, il y a un peuple, hein, une nation, une langue, on est tous égaux en droit, etc. Alors c'est magnifique sur le papier, des fois c'est un peu plus complexe dans la réalité. Bon, donc l'article 1 de la Constitution dit qu'il n'y a qu'un peuple français. Donc quand on est, on le sait en France, qu'on appelle France hexagonale, eh bien il y a des langues régionales, et certains disent on est des peuples, que ce soit des Corses, que ce soit des Bretons, etc. Ça, c'est des sujets très anciens qui continuent, qui sont toujours pas réglés. Et puis alors quand on parle de l'outre-mer, eh bien la Guyane française, on est régi sur un article particulier, l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire qu'on est un département d'outre-mer, aujourd'hui collectivité territoriale. Mais on n'a pas tout à fait la même législation, c'est important à dire, que la Nouvelle-Calédonie, Kanaky, ou la Polynésie, qui sont sur des articles spécifiques de la Constitution, donc ils ont des droits spécifiques quant aux droits, notamment coutumiers. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a un Sénat coutumier. Donc, c'est sûrement pas parfait, je partirai pas sur le... Je suis pas, loin de là, je suis pas spécialiste de ce territoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dispositifs déjà légaux qui existent. En Guyane française, s'applique le droit commun, mais c'est le seul territoire considéré comme donc outre-mer géré par le 73, où il y a des peuples dits autochtones, au sens de l'ONU, donc au sens de l'ONU, l'autochtonie, pour les Amériques. Je ne parlerai pas du reste de la planète, parce que là aussi ça fait débat, le terme. Les autochtones dans les Amériques, c'est les peuples qui existaient là, avant l'arrivée de la colonisation occidentale, après 1492 et Christophe Colomb. Donc les autochtones, c'est les descendants de ces gens-là. Alors évidemment, c'est complexe, puisque pour un certain nombre d'entre eux sont métissés, etc. Mais n'empêche qu'il existe aujourd'hui en Guyane 6 peuples qui parlent leur langue, qui ont des cultures particulières, et qui revendiquent une histoire spécifique, ce qui est une réalité, et pas forcément des droits spécifiques, mais à tout le moins des droits qui respectent leur antériorité, leur historicité, et que pendant longtemps, on a, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans un rapport de domination. Donc nous, en tant qu'anthropologues, c'est vrai qu'en écologue, quand on va dans des communautés autochtones, d'abord, la première chose pour la Guyane, même si ce n'est pas écrit, on va d'abord demander l'autorisation au chef coutumier de la communauté, qui est bien souvent un chef de village. Alors, tout ça, encore une fois, d'un point de vue purement juridique, le droit coutumier, s'il est reconnu en Nouvelle-Calédonie par un sénat coutumier, ou en Polynésie, il ne l'est pas en Guyane. Il l'est, on va dire, c'est un usage, mais ce n'est pas codifié dans la loi. Le droit coutumier n'existe pas. Donc, les 6 peuples amérindiens de Guyane, Wayampi, Wayana, Teco, Arawak, Lokono, Palikur et Kalinia, sont des citoyens français, pour ceux qui évidemment sont citoyens français, certains sont citoyens aussi surinamais, brésiliens, donc on voit déjà les complexités avec les frontières géopolitiques contemporaines, et donc, mais il s'avère qu'ils ont une spécificité, voilà. Donc, il y a des chefs, il y a des organisations villageoises, avec des chefs de village, des choses qui, pour les 6 peuples, restent importantes pour eux, puisque ça permet de garder une identité et une organisation villageoise, garder leur langue aussi, puisqu'ils sont certes dans l'école de la République, comme on dit, ils sont alphabétisés donc en français, mais leur langue n'est pas reconnue officiellement. Donc leur moyen de survivre culturellement et linguistiquement, c'est de rester en communauté et de cultiver des pratiques. Donc quand on va travailler avec les communautés, je dis bien avec, hein, pendant longtemps, nos collègues ont travaillé sur, hein, voilà, et aujourd'hui on travaille avec, moi je travaille avec des partenaires, des collègues amérindiens, Wayampi, Teco, avec qui on travaille, Palikur, avec qui on partage des savoirs. Donc d'abord on demande au chef coutumier. le chef coutumier accepte ou pas que vous travaillez dans la communauté. Ensuite, chaque individu, bien évidemment, est libre de travailler avec nous. Alors, il se pose plusieurs questions. Donc, en effet, il y a les questions de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de propriété intellectuelle sur des savoirs. Alors, c'est tout un débat aussi, parce que ça aussi, c'est une conception qui est complètement occidentale. Quid du patrimoine commun de l'humanité ? Parce que ça, c'est des vraies questions. Hein. On sait que nombre de plantes, d'usages, d'objets qu'on utilise en France viennent des quatre coins du monde. Bon. Après, on sait qu'il y a des pratiques qui existent, ce qu'on appelle parfois biopiraterie, avec des pillages et des accaparements par des sociétés privées de recettes, de remèdes, etc., pour en faire des médicaments et du commerce, et avec, en privatisant évidemment les bénéfices et puis les savoirs. Voilà, ça c'est une réalité. Moi, je suis chercheur, enfin ingénieur de recherche, mais chercheur dans un organisme public français. Et là, moi, je travaille en France. Donc, je pense que si je travaillais au Brésil, etc., on pourrait avoir d'autres discours. Moi, je vais vous parler d'un chercheur français, fonctionnaire de la République, payé avec les deniers des Français. Mon travail, c'est de travailler avec les populations pour recenser, connaître et sauvegarder des savoirs qui sont, il faut le dire, malmenés par la colonisation, par les changements contemporains aujourd'hui et en perte de vitesse, même s'il y a encore énormément de savoir dans la tête et les mains des hommes et des femmes de Guyane, qu'ils soient amérindiens d'ailleurs ou pas. Donc, on demande d'abord dans les communautés, pour tout projet, on présente le projet de recherche le plus clairement possible. Donc là, on était avant, ce qu'on va discuter après, l'application dans le droit français du protocole de Nagoya. Avant, il n'y avait aucune codification, il y avait ce qu'on appelle des conventions, notamment de la Société internationale d'ethnobiologie mondiale, où il y avait des guides de bonnes pratiques. Donc, évidemment, ce qu'on appelle toujours faire due diligence, c'est-à-dire on doit expliquer le mieux possible aux communautés, donc avec sa représentation de chef, et puis après avec chaque personne avec qui on travaille. Et puis, à tout le moins, il faut qu'il y ait des retours aux communautés. Alors, les retours aux communautés, faut pas fantasmer non plus des retours financiers. Nos recherches, quand bien même on publie des livres, ça ne rapporte pas d'argent. Hein, bien souvent, la recherche, d'ailleurs, on paye pour écrire des articles dans des revues, et on paye, on subventionne des livres. Bon. Mais on essaye, quand on peut, quand on monte des projets de recherche où on va chercher de l'argent, par exemple, d'avoir des salaires pour des collaborateurs de recherche, moi je les appelle. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être traducteurs, qu'ils peuvent être informateurs au sens partager leur savoir, qu'ils peuvent être rémunérés pour, pourquoi pas, transmettre à des jeunes. Donc on essaye aussi de monter des projets où il peut y avoir aussi interaction entre les générations pour que notre travail permette de transmettre à d'autres générations. Donc on a fait différents projets comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Ce que je faisais, c'est qu'en fin de compte, par exemple, pratiquement, j'achetais beaucoup d'objets. Ça permettait de nourrir la collection qui permettrait de travailler, de comparer toutes les formes, les modèles, etc. Donc je rémunérais pas les gens, mais du coup je leur achetais de l'artisanat. Ah, puis après on partage, on achète à manger, on est dans l'échange en fin de compte. Moi je vois l'anthropologie, alors certes elle est entachée de toute une histoire coloniale qui est indéniable, on ne viendra pas là, il y a plein de travaux là-dessus. Bien sûr, elle est entachée d'une vision scientifique et civilisatrice surplombante, mais depuis quand même, on va dire, depuis les années 60-70, nombre d'anthropologues justement épousent plutôt les causes justement de reconnaissance des savoirs autochtones, des savoirs des peuples partout sur la Terre, tous ces peuples dominés, et moi je me sens plutôt comme un allié, hein, objectif, pour aussi participer à la reconnaissance et à la visibilisation de leur savoir. Donc il y a ces retours qu'on pourrait dire directs dans la communauté, en valorisant les gens, en essayant d'apporter un peu d'argent. C'est modeste, hein, faut pas non plus mentir. Et puis en même temps, nos travaux, en faisant des conférences, en faisant des articles scientifiques ou des ouvrages grand public, eh bien, on visibilise ces savoirs. On dit, les populations amérindiennes ne sont pas des populations décadentes, qui mériteraient d'être civilisées, etc. Non, c'est des civilisations à part entière, des langues d'une richesse extraordinaire, pas plus, pas moins que le français, le russe ou l'anglais. Hein, le Wayampil est tout aussi riche que toutes ces langues. Ils ont une histoire. Hein, ils ne sont pas comme ça, voilà, comme certains qui diraient que certains peuples ne sont pas rentrés dans l'histoire. Si, tous les peuples sont dans l'histoire, ils ont leur manière de dénoncer l'histoire. Ils ont des savoirs sur la nature extraordinaires. Aujourd'hui, on parle de biodiversité, de savoirs sur la nature. Ils ont des connaissances extraordinaires. Hein. Les Wayampi, par exemple, les travaux de mon ancien directeur de thèse et collègue aujourd'hui, Pierre Grenant, en 50 ans, a travaillé avec les Wayampi de l'Oyapock, il a montré qu'il nomme 1400 plantes. Alors, pas tous avec des usages, mais enfin voilà, il y a des connaissances extraordinaires. On le montre, que ce soit sur les, enfin, sur tous les animaux, ils connaissent les comportements animaux, les régimes alimentaires de beaucoup de choses, ils ont des lectures des saisons, des lectures du territoire, bref, c'est montré depuis longtemps, voilà. Donc, c'est une manière aussi de dire, ben voilà, ces peuples ont des choses à nous apprendre. Ils ont des relations au monde aussi qui ne sont pas uniquement basées sur une relation extractiviste et de rapport de domination, justement, où on est plutôt sur des jeux d'équilibre, etc. C'est pas des sociétés parfaites, aucune société ne le sont, mais par contre, je pense qu'elles ont des choses à nous apprendre sur leur manière de voir le monde et de se positionner avec les autres entités qui peuvent, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'on vit avec d'autres, qu'on soit en ville ou à la campagne. On vit avec des autres entités, qu'elles soient animales, végétales ou autres. Tout ce travail, moi, je le conçois comme d'abord une collaboration pour mettre en avant, visibiliser. Alors, il y a tout l'aspect scientifique passionnant de comprendre la complexité de toutes les sociétés, mais aussi avec eux de visibiliser. Et quand on peut, on essaye de transmettre. Avec eux sur des supports. Donc, je sais que moi, depuis une vingtaine d'années, j'ai fait des petits courts métrages animés, par exemple, avec des collègues spécialistes, des linguistes et puis évidemment des cinéastes et des dessinateurs pour restituer un mythe, pour restituer un travail. On a fait des cartographies dans les langues autochtones avec eux pour que les cartes soient aussi dans leur langue et qu'ils valorisent leur connaissance du territoire. Donc, c'est un peu tout ça. Est-ce que vous demandez des autorisations de façon orale, tout simplement, ou est-ce que vous faites aussi signer des contrats écrits ? Tout ça, c'est une réflexion que, voilà, que je mène, moi et tous mes collègues, évidemment, qui travaillent comme moi ici et dans tous les territoires. Comment on recueille le consentement ? Clairement, traditionnellement, je voudrais dire, les anthropologues, comme moi quand j'ai commencé, on est sur l'oralité. Parce que ce sont des sociétés de l'oralité. Et que, bien souvent, les chefs coutumiers ne sont pas forcément à l'aise à l'écrit. Ils ont aussi des problématiques avec l'écrit. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des gens qui, des fois, mal intentionnés, leur font signer des choses ou leur expliquent. Voilà. Donc, l'écrit, nous, c'est vrai que dans notre société, c'est le gage d'un consensus, d'une convention, d'un accord éclairé entre les deux parties. Voilà, c'est tout à fait... Voilà, c'est notre société de l'écrit. Mais les sociétés de l'oralité ont des engagements oraux. Un chef coutumier, un chef de famille, une dame, un homme, sont tout à fait capables de nous dire non. C'est-à-dire, ce ne sont pas des grands enfants à qui il faudrait guider la main, etc., ou expliquer simplement les choses. Il faut connaître les populations et tisser ces relations de confiance. Parce que les relations humaines, le travail en sciences humaines, qu'on soit anthropologue, sociologue, bon, je ne parlerai que d'eux, mais c'est avant tout des relations de confiance. Moi, je travaille avec des gens depuis plus de 20 ans. On se connaît. Donc, au début, évidemment, ils ne me connaissaient pas. Mais je suis venu aussi parce que je travaillais avec des gens qui les connaissaient. Il y a aussi toute cette histoire de filiation. On peut pas. C'est important, je pense, d'en parler. Parce que, évidemment, à un moment donné, il y a toujours des moments où on arrive et on fait, on dit en anthropologie, un nouveau terrain, pas forcément guidé ou introduit par des collègues ou par des aînés. Moi, ça a été le cas pour la Guyane, mais j'ai dû aussi forger des premières relations dans certains villages, etc. Eh bien, d'abord, on se présente, on écoute, et puis on prend en compte aussi les éventuels desiderata. Donc, pendant longtemps, ça a été plutôt dans l'oralité. Après, on s'est posé la question avec le collègue Guillaume Audonne, qui travaille en ethnobotanique, sur l'enregistrement donc, des consentements, quand arrivait ce profil à l'horizon, le protocole de Nagoya. Donc, on a fait des enregistrements aussi, par exemple, vidéo. Comme ça, et puis on faisait en même temps en papier. Donc on a fait signer des consentements, notamment quand on travaillait sur les savoirs liés aux plantes, puisque c'est là qu'il y a c'est un sujet le plus politiquement délicat. Ouais, qui a été certes, on en reparlera, instrumentalisé aussi politiquement par de nombreux acteurs. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, de plus en plus, maintenant, quasi systématiquement, on fait des consentements écrits en français. Qu'on fait traduire quand la personne n'est pas assez à l'aise avec le français, en direct. Hein. Et puis on prend des petites capsules vidéo courtes, montrant, voilà, ça peut se faire simplement avec le téléphone portable, etc. Où on voit, on a déjà parlé bien avant, etc. Puis après, on prend une capsule où on réexplique succinctement et le chef l'exprime clairement. Parce que ça a été un vrai débat à partir du moment où la loi nous demande aujourd'hui de formaliser tout ça. Merci, c'est vraiment important de contextualiser ces recherches. Finalement, ces pratiques existaient déjà avant le protocole de Nagoya. Mais alors, comment ce protocole a-t-il été intégré dans les pratiques de recherche en anthropologie ? On peut peut-être en parler, on y arrive. Depuis, pour le droit français, depuis juillet 2017, à l'occasion de la loi plus largement reconquête de la biodiversité des paysages, donc ce qu'on appelait la loi biodiversité de Ségolène Royal, hein, donc c'était sous la mandature du président Hollande, la France se devait, elle avait signé le protocole de Nagoya, donc Nagoya qui est une ville au Japon, donc qui enjoint les pays signataires à respecter les droits des peuples locaux, autochtones, des communautés locales, ça dépend comment on les appelle, quant à leur partage de savoir sur tout ce qui est connaissance traditionnelle, alors ça c'est les termes de la loi, connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques. Donc en gros, les savoirs liés aux plantes et aux animaux, qui seraient partagés avec une tierce personne, en l'occurrence nous les chercheurs, et aussi évidemment les industriels. Du coup, le protocole de Nagoya dit... Il faut que vous appliquiez dans votre droit. Donc l'Europe et donc la France devaient l'appliquer. Donc elle l'a appliqué à l'occasion de la mise en place de cette loi biodiversité de 2017. Sur la planète, il y a énormément de pays qui ont signé ce protocole de Nagoya. Comme d'habitude, on ne s'étonnera pas, certains pays ne l'ont pas signé. C'est le cas des États-Unis, par exemple, ou du Canada. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au Canada, il y a énormément de protocoles de consultation qui ont été travaillés avec les communautés. Donc aujourd'hui, en 2017, très rapidement, les décrets d'application sont sortis. Et à partir du 1er juillet 2017, le protocole de Nagoya s'appliquait en France. Du moins, tel que le droit français l'a écrit dans son droit. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs processus. Un processus donc déclaratif. Par exemple, vous faites un recensement des grenouilles de Guyane sans savoir autochtone. Mmh. Vous déclarez au ministère de l'écologie, que vous allez récolter tel ou tel échantillon de grenouilles, de tissus, etc., pour en faire une analyse génétique ou tel objectif. Bon, ça, c'est du processus déclaratif. Vous avez un processus d'autorisation qui est beaucoup plus lourd, du coup, dès que ça concerne les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Ce protocole de Nagoya, de manière paradoxale, et là, les juristes pourront réfléchir là-dessus, ne s'applique uniquement qu'en Guyane française, et à Wallis et Futuna. Donc, comme je l'avais dit, on n'est pas sur le même on n'est pas sur les mêmes législations pour la Polynésie et notamment la Nouvelle-Calédonie, mais alors Wallis et Futuna non plus, bon. Et pour tous les territoires d'outre-mer et même de France hexagonale, c'est que la Guyane qui est concernée. Et en Guyane, ne sont concernés, même si évidemment on ne peut pas l'écrire dans la loi, puisque les Amérindiens ou les peuples amérindiens ou Ayampi n'existent pas, mais sont concernées uniquement les communautés tirant traditionnellement subsistance de la forêt et ayant une valeur positive pour la biodiversité, c'est grosso modo la formule. Formule qui est adaptée d'un décret ministériel de 1987 qui instaurait un régime pour les zones de droit d'usage collectif, donc des zones un peu spécifiques pour la Guyane, pour reconnaître, en fait, non pas une propriété collective, mais un usage particulier, une histoire particulière au territoire pour les peuples amérindiens et bushinengués. Les bushinengués étant ce qu'on appelle aussi les negmarons ou les marrons, qui sont les descendants d'esclaves rebellés avant l'abolition de l'esclavage et qui ont fait, qui ont créé des peuples avec leur langue, etc. Donc aujourd'hui, il y a les Aluku, les Saamaka, les Paamaka, les Djuka en Guyane. Donc, ce protocole de Nagoya, ces processus d'autorisation, dès qu'on est dans l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ne concernent que les communautés amérindiennes et bushinengées en Guyane. Donc si vous travaillez avec des afro-descendants, mais qui sont créoles, ou haïtiens, ou venant de Sainte-Lucie, parce qu'on en a beaucoup ici, qui ont des savoirs aussi, hein, et qui sont tout aussi, tous les savoirs sont tout aussi intéressants, certes ils sont issus d'une histoire mélangée, métissée, mais les populations amérindiennes, alors les populations bushinengées évidemment aussi, et les populations amérindiennes, leurs savoirs ne sont pas immuables depuis des millénaires. Hein. Les sociétés, elles évoluent toutes. Donc les savoirs du Wayampi d'aujourd'hui, eh bien, elle est aussi le fruit d'échanges avec des peuples amérindiens, mais aussi avec des peuples issus du. Même sur Internet. De... En fait. Et voilà. Et aujourd'hui, plein de collègues montrent bien que voilà. Donc ça pose un vrai problème sur. Il n'y a pas eu de réflexion sur ce qu'est un savoir lié à la nature, une plante. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être amérindien pour savoir que le citron, alors évidemment, je prends un exemple volontairement, évidemment, le citron n'est pas originaire d'ici, il vient, voilà. Mais il y a plein d'usages, voilà. Quand je parle, si on parle de la sauce à l'arachide, tout le monde va penser à l'Afrique de l'Ouest, c'est typique de l'Afrique de l'Ouest, mais l'arachide, elle vient des Amériques. La tomate, ah oui, c'est italien, bah non, c'est pas italien, c'est pas fait pour la pizza, ça vient des Amériques. Donc les plantes, et les savoirs qui vont avec, voyagent depuis tout le temps. Chez les Amérindiens aussi. Donc du coup, cette loi, elle est née d'où ? Elle est née, c'est vrai aussi, de revendications de peuples et de pays du Sud, dominés par des rapports coloniaux, puis aujourd'hui commerciaux, capitalistes, etc., industriels. Et c'était une manière de dire, ben voilà, vous êtes bien gentils, vous avez détruit votre nature, maintenant vous venez chez nous et vous copiez nos recettes et puis vous en faites des médicaments et nous on n'a rien. Bon, donc l'idée c'était, c'est cette loi, le protocole de Nagoya, appliqué, c'est ce qu'on appelle les APA, c'est-à-dire les accès et partage des avantages. Donc, pour qu'on ait un accès, il faut que d'abord, un, on soit bien informé de ce que font les chercheurs, ce qui est tout à fait normal, ce que faisaient la plupart des chercheurs, même s'il y avait des chercheurs qui ne faisaient pas attention et qui exagéraient. Donc, que le chercheur fasse due diligence, c'est-à-dire qu'il explique clairement dans la langue, s'il faut, ce qu'il veut faire avec les données. Donc, parce que moi, c'est ce que je fais uniquement, moi, je ne fais pas de médicaments. Hein, puisque c'est pour ça qu'aussi c'est intéressant de. Et je suis, comme je l'ai dit, fonctionnaire du CNRS. Donc, moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit au début, c'est valoriser et recueillir les savoirs avec les communautés pour les visibiliser et pour les recenser dans un esprit de savoir commun, de bien commun planétaire. Et la plupart des communautés avec qui je travaille en sont bien conscients et les gens avec qui je travaille disent mais oui, il faut qu'on sauvegarde ça ensemble, toi tu sais écrire ça, nous on va te le dire, comme ça même nos jeunes, ils pourront le lire demain aussi, s'ils veulent, s'ils le souhaitent. Ça ne nous empêche pas de continuer à transmettre. Bon. Et puis il y a aussi des chercheurs, et ils ont le droit, et c'est normal, et il y a des collègues qui réfléchissent dans des histoires de santé, à se dire, ben voilà, si on peut trouver des médicaments, ou des recettes, ou des plantes, d'après les savoirs de gens qui soigneraient l'humanité sur le palu, sur plein de choses, puisqu'on sait que nombre de médicaments ont été synthétisés à base de molécules de plantes, hein, de champignons, de plantes, plus rarement d'animaux, mais aussi, hein, il y a plein d'exemples célèbres. Eh bien, on se dit, bah, pourquoi pas, aussi, dans une optique de bien commun de l'humanité. C'est ce que font aussi des collègues chercheurs qui travaillent dans les organismes publics et qui vont, à partir de discours de quelqu'un qui dit, bah voilà, cette plante-là, moi, j'utilise contre mal de ventre, machin, ou contre le palu, bon, ok, contre la fièvre. Après, ils vont prendre la plante, les chercheurs, et ils vont faire des analyses chimiques. Ils font un travail dessus. Ils font un vrai travail de recherche, qu'il soit génétique, qu'il soit chimique, biologique, physiologique. C'est des années de travail, etc. Puis, des fois, on arrive à synthétiser une molécule, enfin, les collègues arrivent à synthétiser une molécule, et puis, ça fonctionne, et on peut faire un nouveau médicament. Eh bien, on dépose un brevet. Et évidemment, souvent, c'est donc on privatise quelque part. Mais si c'est tenu par un organisme public et que ça a été pris sur le territoire français, là encore, je reste on pourra, je discuterai pas, il y aura d'autres spécialistes qui pourront mieux vous en parler que moi, quand un Français va au Brésil ou va au Mali ou va au, voilà, ça raconte un autre truc qu'on peut discuter encore aussi parce que c'est fait, voilà. Mais là, on est en Guyane. Bon, alors d'accord, certains vont dire qu'on est colonisé, etc. Mais n'empêche que pour l'instant, le droit français s'y applique. C'est une réalité. Bon, donc du coup, c'est un organisme public avec un chercheur public qui reste dans le public et qui essaye de faire un médicament qui pourrait rester dans le droit commun. Alors je sais bien qu'après, l'exploitation des médicaments, souvent, c'est privatisé. Bon, alors après, voilà, il y a des vraies réflexions à se poser et il ne faut pas être naïf là-dessus. Après, il y a des entreprises qui sont complexes. Après, il y a des entreprises privées qui viennent faire des recherches et qui vont, voilà. Alors bien souvent maintenant, elles ne viendront pas en Guyane, elles viendront dans des pays où il n'y a pas de législation, et elles feront ce qu'elles veulent. Hein, parce que les plantes, grosso modo, qu'on a ici, on les a aussi au Suriname, vous allez au Suriname, vous n'avez pas de protocole de Nagoya, vous faites ce que vous voulez. À un moment donné, il faut être lucide là-dessus. Donc évidemment, il y a des mauvaises pratiques qui sont la réalité de certains Big Pharma, etc. À une époque plus, je pense qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous consultez tous les spécialistes, ils vous diront qu'aujourd'hui, ces grosses compagnies, non seulement ça leur coûte trop cher de faire des nouvelles molécules, donc elles ne font que très peu de nouvelles molécules, et en plus, elles ont des outils. Donc soit c'est des criblages à haut débit où ils peuvent analyser plein de plantes à l'aveugle quasiment sur plein de maladies, etc. Et puis il y a des outils génétiques qui permettent de s'affranchir de tout ça. Donc on voit que le protocole de Nagoya, partant d'une bonne intention, c'est-à-dire de dire attention, il y a des rapports de domination, il y a des siècles de colonisation, de génocide, de destruction de culture, de destruction de l'environnement. Nous, peuple du Sud, peuple autochtone, communauté locale, on dit arrêtez de nous piller, respectez-nous, etc. Ok, on part de là, et c'est normal d'y réfléchir et de faire des bonnes pratiques. De faire que on puisse travailler de manière éclairée, saine, respectueuse avec toutes les communautés. Et qu'on puisse travailler sur ce partage des avantages aussi. Donc aujourd'hui, comment ça se passe pratiquement en Guyane ? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans lequel vous avez mis en place les obligations liées au protocole de Nagoya ? Je vais vous prendre notre cas, un cas concret, avec mon collègue Guillaume Odon. Donc les Tekos, c'est un peuple, ils sont 600. Ils vivent qu'en Guyane. Ils parlent encore leur langue. Je travaille avec eux depuis 20 ans sur leur vannerie. J'ai fait les premières cartes avec mon collègue Pierre Grenant dans leur langue. Je suis en train de travailler sur un recueil de leurs mythes et de leur histoire. Et puis, je m'intéresse à... Donc, on s'est intéressé, on s'est dit, il n'y a jamais eu de travaux en ethnobotanique, donc sur le savoir, la nomination des plantes et des animaux que je continue à mener, hein, sur les savoirs liés aux animaux, en Teco. Il y a eu des travaux chez les Wayampi, chez les Palikours, chez d'autres peuples, mais jamais chez les Tekos. Donc, avec mon collègue Guillaume Odon, et puis des amis Tekos, avec qui je travaillais quand on avait travaillé justement sur leur cartographie et leur occupation du territoire, ils me disent, Damien, moi aussi je connais des plantes, etc., viens travailler avec nous. Donc déjà, on part d'une demande de la communauté, de certains individus de la communauté que je connais bien, que je connais depuis 20 ans. On est allé voir le chef coutumier à l'époque, qui depuis malheureusement est décédé. Le premier chef coutumier avant qu'il passe son pouvoir à un autre, était d'accord pour nos recherches. Le deuxième chef coutumier, on lui a fait signer un document, on lui a expliqué, on a fait un petit film avec lui déjà à l'époque, en 2013. Il acceptait qu'on travaille sur les plantes Teco et qu'on en fasse un livre, pour visibiliser et conserver leur savoir. On a amené ces travaux à partir de 2013, et puis à partir de 2015-2016, on commence à nous dire, attention, il y a le protocole de Nagoya, etc., faudra vous conformer, etc., on dit pourquoi pas. Mais déjà, on avait informé au niveau du ministère, que ce soit le CDRS, les collègues de l'IRD, ici le parc amazonien de Guyane, parce qu'on était en partenariat aussi avec le parc amazonien de Guyane pour travailler avec ces peuples qui vivent sur le territoire actuel géré par le parc amazonien de Guyane, un parc national, on est déjà sur un travail, on a déjà eu un accord de la communauté et que les gens veulent travailler avec nous. Qu'on monte des projets, qu'on va aller chercher de l'argent pour rémunérer des gens, etc. On avait très très bien avancé jusque là, en 2015, le parc nous dit, bah non, faut que vous suspendiez vos recherches parce que la loi va être changée, que cette loi, elle s'applique de manière, pas expérimentale, mais d'abord sur le territoire du parc amazonien, donc vous ne pouvez plus faire des recherches avec eux, il faut organiser un consentement éclairé, etc., avec processus d'autorisation. On leur dit, ok, comment ? Il y avait le protocole de Nagoya qui était dans les tuyaux législatifs. Hein. Et donc, ça sort en 2017. Et donc, à partir du 1er juillet 2017, on doit tout arrêter. Et bah, nous, on attend que... Eh ben alors depuis, alors on a fait non, ça s'est résolu. La loi, alors faut l'expliquer. Le process d'autorisation, elle se fait puisque encore une fois, les autochtones n'ont pas d'entité juridique. Dans le droit français, il y a l'individu qui a une entité juridique, il y a des entreprises et puis il y a des associations, des regroupements d'individus, loi 1901, etc. Voilà. Il peut y avoir des propriétés collectives, des propriétés de X ou Y sur des entités juridiques, des individus ou des sociétés ou des associations. Le peuple Wayampi, le peuple Teko, en l'occurrence, il n'existe pas. Le chef coutumier Teko n'a pas plus de pouvoir que n'importe quel citoyen français. Par contre, pour les Teko, la parole du chef coutumier, puis aussi des aînés, parce que des fois, il y a aussi, comme dans toute. Dans toute communauté, il y a aussi des tensions politiques, des jeux de famille, etc. C'est normal, on peut s'entendre, on peut ne pas s'entendre. Toutes les communautés sont comme ça. Et donc du coup, en 2017, on nous dit, maintenant, du coup, il faut suivre le protocole. Alors on regarde la loi française. La loi française dit que pour organiser ça, il faut qu'il y ait une personnalité morale qui se porte garant du processus d'autorisation de la demande donc du requérant, qui sera en l'occurrence... Damien Davy et Guillaume Audon, chercheurs au CNRS, donc et nous c'est le CNRS, donc voilà, qui va faire un processus d'autorisation transparent, etc., avec la communauté Teko. Donc, encore une fois, communauté, on définit pas. Non. On consulte qui ? Puisque les chefs coutumiers, c'est pas dans la loi. Donc nous on dit, bon, c'est avec les chefs coutumiers, ok. Mais il faut qu'il y ait une personnalité morale. Ça, il faut attendre 2019, donc 2 ans, pour que l'État... Déjà, dans le ministère concerné, donc c'est le ministère de l'Environnement, qui met en place un process, un site internet, un formulaire à remplir, et puis une personnalité morale qui se porte garant. Donc à l'origine, ça pouvait être éventuellement la collectivité territoriale de Guyane, qui aurait pu être cette personnalité morale. Elle a refusé de l'être. Le parc. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est le parc amazonien de Guyane. D'accord. Mais le parc amazonien de Guyane, il ne travaille que sur une partie de la Guyane. Le reste du territoire de la Guyane n'est pas soumis au parc amazonien. Mais, de toute façon, le ministère était tellement embêté, le parc savait que c'était politiquement compliqué, donc il n'était pas spécialement volontaire, puis il disait, bon, bah, il faut nous mettre aussi un poste, il y a des aspects pratiques, il faut une personne à plein temps. Donc, finalement, en effet, c'est le parc qui est aujourd'hui la personnalité morale. Le parc amazonien fait son travail, etc. Mais le parc n'est pas une entité politiquement neutre. C'est quand même un organisme de l'État. Donc nous, on a proposé ça, on a fait des réunions, des premières réunions d'information sur le projet. Nous, on voulait travailler de manière générale sur les savoirs liés aux animaux et aux plantes, donc ce qu'on appelle faire l'ethnoécologie Teko. Pour combien de temps? On a demandé de faire ça sur 10 ans, parce qu'on ne va pas faire tous les ans les travaux. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a ce protocole de Nagoya? Moi, toutes les études, tous les terrains que j'ai faits, c'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, un étudiant ne peut plus faire un stage de master sur les savoirs liés aux plantes et aux animaux chez les Amérindiens et les Bushinengués de Guyane française. Puisque si on n'a pas d'autorisation au préalable, autorisation qui, on l'a vu, enfin vous allez le voir, là, nous pour le cadre, ça a pris 3 ans quasiment. Non seulement ça a bloqué nos recherches avant 2017, de 2015 à 2017 c'était bloqué, et on a dû attendre 2019 pour qu'il y ait les formulaires et la personnalité morale, et ensuite le Covid est arrivé, bon, ok, et ensuite on a eu l'autorisation uniquement je crois en 2021. Donc il faut faire des réunions, il faut se rendre sur place, donc au moyen des chercheurs. Avant de faire un projet de recherche, il faut d'abord demander l'autorisation. Donc, moi j'habite à Cayenne, aller à Camopi, c'est pas... Voilà, mais quand vous venez de Paris, de Grenoble ou de Montpellier, il faudra venir à vos frais faire les consultations. Dans la loi, il n'est pas spécialement prévu que le chercheur est présent. Alors qu'il recherche avec une communauté, c'est avant tout des relations entre des hommes et des femmes. C'est des relations de confiance. Moi, quand j'ai expliqué, puisque depuis j'explique avec les communautés avec qui je travaille depuis bien longtemps, qu'il faut refaire des consultations, beaucoup de chefs me disent « Mais Damien, on t'a déjà dit oui ». Donc on fait les process de consultation, on recueille, on explique, les chefs et les citoyens, les Teko viennent à des réunions publiques, on explique clairement notre projet, donc la personne du parc est là, on enregistre, on en fait un PV, on le laisse un temps pour que ils réfléchissent entre eux et s'ils disent leur accord. On revient une autre fois pour dire, êtes-vous d'accord? Les gens disent, oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez comme les partages des avantages? Alors, vous voulez qu'on fasse un livre? Vous voulez qu'on fasse des ateliers de transmission avec les jeunes? On leur dit, clairement, on ne va pas vous payer puisque nous, on ne va pas faire de médicaments. Nous, on va faire des livres. On va recueillir vos savoirs. Après, en effet, on vous donnera les livres. Si on peut faire des interventions dans les écoles, si on peut monter des projets, on le fera au maximum avec de l'argent pour rémunérer des gens et former des gens. Pas de problème. C'est ce qu'on a fait, nous, sur plein de programmes, notamment sur les cartographies participatives et tout ça. Et puis après, une fois que on a le consentement filmé, enregistré, etc., c'est pas la communauté qui signe. C'est la personnalité morale qui se porte garant et la décision, elle en revient au ministère. Alors, à la réalité, le ministère, évidemment, dira oui si la communauté a dit oui. Si la communauté dit non, elle dira non. Mais ne serait-il pas possible d'envisager qu'un individu qui appartient à une communauté choisisse de partager ses savoirs en tant que personne, donc en tant qu'auteur, il transmet son savoir sur les animaux, sur les plantes, et il s'extrait ainsi du protocole de Nagoya? Cela permettrait peut-être une certaine souplesse juridique? On l'a relevé dans le chapitre qu'on a fait dans un ouvrage là, justement sur le protocole de Nagoya, coordonné par l'IRD et le Muséum d'Histoire Naturelle, donc un ouvrage coordonné par Catherine Aubertin et Anne Nivard. On écrit avec notre collègue Guillaume Audon. Il y a plein de questionnements, puisque pour demander ces autorisations de savoir, déjà, on parle de communautés, voilà, lesquelles? Alors, l'usage, enfin la jurisprudence, même s'il n'y a pas vraiment de jurisprudence, mais parce que, enfin, je ne sais pas comment on peut parler, on dit voilà, ça concerne que les Amérindiens, les Bushinengués. Mais en quoi un Wayampi de trois sauts est différent qu'un cueilleur de plantes des Pyrénées? Je sais qu'il y a, il y a un syndicat qui s'appelle Simple en métropole avec des gens qui ont des savoirs sur la nature extraordinaires. En quoi eux, ils ne sont pas une communauté, donc c'est des individus, donc c'est des Français, et un Wayampi, normalement, il est français, il a un individu. Voilà. Il n'est pas autochtone puisqu'on ne reconnaît pas l'autochtonie. Donc là, déjà, d'un point de vue du droit, je pense que les juristes pourraient faire tomber ça, peut-être. Ensuite, on doit faire demander une autorisation, sauf si le savoir est partagé par de nombreuses communautés tatati. La plupart des savoirs, des travaux dans une thèse qui a quelques années sur les savoirs phytothérapeutiques des afrodescendants, enfin même des gens du littoral, plus largement même les communautés aussi amérindiennes, fait par un collègue Marc-Alexandre Tarot, il montre que 60% des plantes et des savoirs sont connus et sont partagés par 4 à 5 communautés. Bien sûr. On le sait. Il y a eu des scandales sur soi-disant des biopirateries parce que quelques années avant l'application du protocole de Nagoya, il y a eu la fameuse affaire Kouachi en Guyane qui a été instrumentalisée politiquement d'une plante donc qui est le Cassia Mara, d'une plante qui n'est même pas originaire de Guyane, qui vient d'Amérique centrale, qui est exploité depuis des siècles, dont il y a déjà une cinquantaine de brevets, et l'IRD a, des collègues chercheurs de l'IRD, donc un organisme public, ont synthétisé une molécule, alors en effet, avec l'aide d'Amérindiens de Guyane, qui leur ont dit, ouais, cette plante-là, elle soigne le palu, et ils ont trouvé une molécule, ils ont déposé un brevet, il y a eu un scandale en disant que c'était de la biopiraterie. Or, cette plante, typiquement, avec la loi actuelle, elle sort de toute façon de la loi, puisque de toute façon, c'est une plante dont les savoirs sont largement partagés par nombre de communautés. Il y a déjà plein d'articles depuis des décennies là-dessus. Bon, donc il y a plein de choses où déjà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans? Ensuite, comme vous le dites, ça veut dire qu'il y a un savoir communautaire Wayampi qui serait immanent, et il faudrait demander à tout le monde. Voilà, alors on sait que tous les travaux montrent que c'est plus complexe que ça. Dans les communautés, tout le monde n'a pas le même savoir, les mêmes connaissances. Dans une communauté, il y a des gens qui connaissent les plantes, d'autres qui sont des magnifiques chanteurs, d'autres qui vont avoir une mémoire orale extraordinaire et d'autres qui vont connaître toutes les recettes, etc. Moi, j'ai commencé mon travail en anthropologie, en ethno-écologie, avec des vanniers et des vannières. Beaucoup de vanniers parce qu'en Amazonie et en Guyane, c'est surtout une activité masculine. Bien. Le savoir de Mimisiku, qui est un grand vanier Wayana, ou le savoir de mon camarade Manuel Yoyo, un palicourt, ou de Takuluman chez les Teko, eh ben, c'est son savoir. Certes, ils font de la vannerie Wayana, on peut dire, palicourt, Wayampi, Teko, mais leurs savoirs sont issus d'une histoire, qui est aussi une histoire métissée. Je l'ai montré dans ma thèse, il y a des choses qui sont largement partagées, il y a des formes, des usages, des mots, des motifs qui sont partagés. On fait la vannerie avec quasiment les mêmes plantes chez toutes les communautés de Guyane. Mais en même temps, Mimi-Siku, Takuluma, Manuel Yoyo, ils ont un savoir-faire, ce sont des artisans et des artistes. Et donc, moi, quand j'écris ma thèse, parce que se posent aussi des questions dans les sciences sociales d'anonymiser les sources, etc. Mais Mimi-Siku, il me dit, mais c'est moi qui t'a expliqué ça. La magnifique hotte que vous avez là dans mon bureau, elle est faite là-haut par Mimi-Siku. Elle n'est pas faite par une autre personne. Donc, pourquoi je dirais un Wayana ou les Wayana font des hottes? Ok, c'est vrai, mais Mimi-Siku est un grand spécialiste des hottes. Dans notre société, existe Picasso, existe Dubuffet, existe Michel-Ange, existe pas, enfin voilà, sinon on dirait les Espagnols font des œuvres d'art sympathiques avec des belles choses et des trucs très politiques. Non, ça veut rien dire. Encore une fois, c'est une manière de déposséder, d'invisibiliser les communautés. Donc, dans cette loi, le protocole de Nagoya, partant de quelque chose de sain, en disant il faut que ce soit transparent, qu'il y ait des rapports équitables avec les communautés, qu'il y ait des retours aux communautés, voilà, très bien. Mais on oublie que les communautés, déjà, sont pas immuables, qu'elles se mélangent, qu'il y a du métissage, que l'histoire a été complexe, on le sait, hein, c'est comme ça, elle a été bien sûr douloureuse, mais c'est une réalité, que dans les communautés, il y a des individus qui ont des savoirs. Justement, pour finir mon histoire avec les techos, eh bien du coup, on a fait ces processus et on a obtenu cette autorisation du ministère. Mais, quand je suis retourné sur le terrain, le chef coutumier a échangé d'avis et a dit « Maintenant, on ne veut plus de chercheurs chez nous. » Alors, moi, j'avais la majorité des familles techos que je connais bien, avec qui on travaille depuis longtemps, avec qui on avait déjà travaillé sur les plantes, les animaux, qui veulent continuer à travailler. Et là, de l'autre côté, un chef qui dit « Non, maintenant, je ne veux plus. » Parce que vous allez nous piller. Donc, on voit que le problème, c'est que quand on a commencé des travaux, c'est notre cas, avec des gens, sur des relations de confiance, et qu'après on dit, bon, bah maintenant, il faut refaire des demandes, parce qu'à Paris, à Cayenne, il y a des nouvelles lois, et que voilà, et que c'est même pas eux qui signent. Et puis on sait qu'il y a des instrumentalisations aussi politiques, à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'extérieur, qui viennent dire aux gens, attention, machin. Voilà. Il y a des réalités aussi dans le Sud, c'est qu'il y a des problèmes de conflits avec leur paillage illégal, donc il y a des insatisfactions légitimes des communautés amérindiennes. Donc certains peuvent s'être exaspérés par les travaux de chercheurs qui peuvent se comprendre. Mais le problème, c'est que moi j'ai d'un côté des gens qui disent « Damien, on veut continuer à travailler avec toi ». On a commencé à travailler d'ailleurs, et nous on a plein de choses dans les ordinateurs qu'on a commencé à publier, parce qu'on a l'autorisation, donc on a le droit. Mais que pratiquement, localement, ça peut être compliqué. Donc du coup, ça peut cristalliser aussi des tensions dans les communautés, et des tensions vis-à-vis des chercheurs. Alors que qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On recense des savoirs avec les communautés. Évidemment, on est transparent, on leur dit. On publie les savoirs, les noms par exemple des arbres, on l'a publié dans le guide des arbres de Guyane. Donc il n'y avait pas le nom des arbres techos avant. Grâce au travail qu'on a fait avec Guillaume Audon, et avec Takuluman, avec Lucien Civette, avec René Monerville, avec Francis Monerville, avec plein de gens, avec Jean-Étienne Couchilly, avec, vous voyez, des individus, des hommes, des femmes aussi, Monique Monerville, avec James Panapuy, qui est un ami avec qui je travaille et qu'on traduit tous les mythes, eh bien, on a des relations de confiance, on a recueilli leur savoir, parce qu'ils savent qu'on leur a dit, voilà. Et aujourd'hui, dans le guide des arbres de Guyane, eh bien, il y a le nom des arbres en techo. Que je vais faire un livre sur leur mythologie, sur leur histoire. Et qu'ils nous font confiance. Alors même si des individus, dans la communauté, les gens qui ne veulent pas travailler avec moi, ne travaillent pas. Je ne vais pas les forcer. Et je ne peux pas les forcer. Et les gens sont grands. Encore une fois, dire, ah, il faut les consulter. Les paroles de l'extérieur, c'est aussi considérer que c'est des gens qui ne sont pas autonomes, qui ne sont pas capables de vous dire non. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui sont complexes. Vous voyez, évidemment, il faut travailler en bonne intelligence avec les communautés. Il faut expliquer clairement, demander des autorisations, aller voir le chef, aller voir les chefs de famille, expliquer clairement ce qu'on va faire. Il faut évidemment, de plus en plus... Il faut favoriser, si on le peut, la transmission de leur savoir. En faisant des animés, en faisant des conférences dans les écoles, en allant dans les écoles des territoires, justement, puisqu'on est en France, dans ces communautés avec qui je travaille, il y a des écoles. Donc moi, je suis allé, pour chacune de mes recherches, je vais dans les écoles et je montre les cartes dans la langue des enfants. On a fait voir les dessins animés, les gens sont contents. On a des relations de confiance. Aujourd'hui, comme je vous dis, je travaille sur la mythologie avec James Panapuy, qui est donc un teco. On va publier le livre ensemble. On va être co-auteur du livre. Et on va remercier et nommer individuellement chaque savant de ces sociétés. Que ce soit Grand-mère Chabine, que ce soit Jean-Étienne Couchilly, que ce soit Takouloumant, que ce soit Joachim Panapuy. Parce que c'est important, je dis volontairement les noms et prénoms de ces hommes et ces femmes, parce que c'est pas les técos. J'ai travaillé avec la communauté téco, et dans la communauté téco, il y a des gens qui connaissent des choses. Il y a plein de gens qui connaissent plein de choses, bien évidemment. Il y a des gens qui ont voulu le partager, parce qu'on les a rencontrés, d'autres parce qu'on les a pas rencontrés, c'est la vie, ou d'autres qui ne veulent pas, et c'est leur choix, et ils sont libres, et ils ont raison, s'ils n'ont pas envie de partager avec moi, ils sont libres, hein, mais on contraint personne. Par contre, et encore une fois, je le redis, on fait des recherches avec des communautés qui sont françaises, qu'on en pense qu'on veut, politiquement, historiquement, mais c'est une réalité aujourd'hui administrative et géopolitique et culturelle et ce qu'on veut, linguistique. Elles parlent français, elles vivent en France, elles ont envie qu'on travaille ensemble et qu'on transmet. Moi, je suis un chercheur fonctionnaire du public, et donc c'est mon travail de travailler avec eux et de valoriser et de visibiliser leurs recherches et de consigner leurs recherches. Parce que écrire dans un livre que telle plante par les palicours, les técos, sert à telle chose, c'est aussi, quelque part, montrer que ce savoir-là est présent chez eux. Mais bien souvent, ces plantes-là, elles sont utilisées par d'autres communautés un peu partout. Vous voyez ? Donc, c'est des vrais questionnements politiques. Le problème, c'est que la réponse, à mon sens, la réponse juridique française, je parle du cas français, on n'a parlé que du cas français, n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que le gouvernement de l'époque n'ont pas consulté tous les acteurs. Encore un dernier exemple, si vous le souhaitez. Pendant presque une heure, j'ai expliqué à mon camarade Roger Labonté, qui est le chef coutumier des palicours de Saint-Georges, que je connais depuis 20 ans. J'ai travaillé avec son papa, je travaille avec lui. C'est un monsieur qui connaît les plantes, qui fait de l'artisanat, qui connaît beaucoup de choses. Et dès que je vais dans ces communautés, évidemment, je vais le voir, c'est un ami, Roger. On est allé ensemble, je l'ai emmené au Canada pour qu'il rencontre des communautés autochtones. C'est aussi ça le partage. J'ai monté des projets où j'ai emmené des personnes avec qui je travaille, des communautés autochtones, au Canada, au Brésil, pour faire des rencontres. Et voilà, avec de l'argent du CNRS, avec de l'argent qu'on a été chercher dans des projets, etc. Parce que c'est aussi ça le partage. Et c'est comme ça que je vois la recherche. Ça permet aussi qu'on avance ensemble pour défendre des droits et une manière de vivre. Et des visions sur le monde. Et donc Roger, je lui explique, voilà, maintenant, tu sais, il va falloir qu'on fasse, parce que je ne l'ai pas encore fait, je l'ai lancé, mais je ne l'ai pas finalisé encore, le processus donc d'autorisation avec les palicours. Donc les palicours, c'est plus complexe que les técos, puisque eux, ils sont 2000, il y a plein de villages, donc il faut faire ces mêmes démarches dans tous les villages. Bref, ça se passe bien, les chefs sont globalement d'accord, mais c'est normal, il y a des débats et c'est sain. Par contre, ce qui est sain, je trouve, c'est que de faire ces réunions, c'est aussi que ça permet de discuter, qu'il y ait des jeunes qui viennent ou des moins jeunes qui posent des questions. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Donc pendant une heure, j'explique à Roger que maintenant, il va falloir faire des process d'autorisation, que personne ne peut venir dans sa communauté en lui demandant le nom des plantes et parce que sinon, autorisation. Et puis au bout d'un moment, il me dit, oui, mais Damien, moi, je connais des remèdes pour soigner le diabète. Moi, s'il y a des gens qui me demandent, moi, je partage parce que si ça permet de les sauver. Donc là, il avait dit, ben voilà, moi, vos histoires d'autorisation, etc., moi, je connais des choses que j'ai appris avec mon papa ou que je peux avoir appris d'ailleurs avec des initiations autres qui peuvent être liées au chamanisme, aux rêves, etc. Et il dit, moi, si ça peut sauver des gens, je serais heureux. Donc, à un moment donné, se pose la question, c'est que nous, on est sur une vision des savoirs qui est une vision, justement, privative, individuelle, justement. La propriété intellectuelle, donc des brevets, etc. Alors que le savoir de l'humanité, c'est avant tout un grand échange. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf, il y a eu des rapports de domination, il y a eu des pillages, des vols, des escroqueries, on est bien d'accord. Et que le monde occidental en a fait plus que sa part, c'est évident. Mais il faut se poser la question de savoir quel est le bien pour l'humanité. Donc on voit là toute une générosité, un partage, une vision qui est d'un patrimoine commun de l'humanité, versus une vision un peu étriquée, juridique, commerciale, on va dire, d'une appropriation privée, quelque sorte, de savoirs qui sont avant tout des savoirs communs qui doivent circuler, et qui circulent de toute façon. Les industriels qui ont beaucoup d'argent et qui auraient éventuellement des mauvaises intentions ou pas, ils savent très bien s'affranchir de ces contraintes législatives. Par contre, nous, en tant que chercheurs publics, on se doit d'exemplarité, c'est tout à fait normal. On se doit de se conformer à la loi française, c'est normal, quoi qu'on pense de la loi. Mais notre travail est aussi là pour aussi réfléchir et critiquer et déconstruire, parce que c'est ça aussi les sciences humaines. C'est pas parce que la loi a été faite que voilà. Et donc, voilà, c'est quoi ces usages, comment ils sont partagés, qui les connaît, c'est quoi une communauté, comment on consulte, sur quoi se base un vrai travail de recherche collaboratif avec des hommes et des femmes. C'est des relations de confiance, des relations interindividuelles. Pour moi, c'est toujours, à mon sens, aujourd'hui, à pas, on va dire, dans le cadre de la loi biodiversité française, on est toujours sur des rapports de domination, puisque de toute façon, c'est le ministère qui signe. C'est pas la communauté, qui n'existe pas en droit français. Et puis certains peuvent avoir des défiances. On va dire, mais maintenant vous voulez nous faire signer des choses, ça veut dire que derrière vous allez faire d'autres choses. On dit non. Et là en plus, alors c'est vrai, au moins cette loi, je vous dis moi que je vais travailler pour faire des livres, pour expliquer, on fera des livres, on transmettra aux enfants. J'ai pas le droit de faire des médicaments derrière. Parce que si je le fais, je ne vous l'avais pas dit, là, je peux être poursuivi par les tribunaux français et vous pourrez porter plainte contre moi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça donne quand même, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une possibilité de recours juridique. Et j'invite tous les juristes qui nous entendent à fouiller et à se dire, mais attendez, à un moment donné, juridiquement, moi, je pose la question. En quoi un Wayampi doit voir l'objet d'une demande d'autorisation à sa communauté pour toute utilisation scientifique ou recensement du savoir lié à ces savoirs liés à des ressources génétiques, donc à des plantes et à des animaux, et en quoi un paysan cévenol, un cueilleur breton ou un tradit praticien créole de Guyane, on n'a pas à faire un processus d'autorisation, et là on peut continuer à travailler en disant bonjour madame, est-ce que vous voulez bien, je fais un entretien, je suis du CNRS, je m'appelle Damien Davy, et donc je veux faire un livre sur les savoirs créoles, est-ce que vous voulez parler avec moi? Et si elle dit oui, eh bien je peux l'enregistrer, et bien évidemment on peut faire signer, on fait signer souvent aussi des accords sur l'enregistrement de la parole, sur éventuellement la photo, sur l'anonymisation ou pas. Des données personnelles, il n'y a pas de souci, c'est normal, il faut que ce soit justement transparent. Merci beaucoup Damien Davy d'avoir accepté cet entretien ainsi que sa diffusion. Nous devons conclure maintenant, mais merci de nous avoir éclairé sur le partage des savoirs en ethnoécologie ainsi que sur les enjeux du protocole de Nagoya. Les auditeurs et auditrices trouveront vos références relatives au sujet sur le carnet de recherche questions d'éthique et de droit éthique-droit.hypothèse-au-pluriel.org. À tout bientôt. Merci de votre écoute. Cette série de podcasts a l'ambition d'enrichir l'ouvrage collectif intitulé « Guide de bonnes pratiques éthiques et juridiques pour la diffusion des données en sciences humaines et sociales » publié en 2018 aux éditions des Presses universitaires de Provence et disponible sur l'archive ouverte HAL. Ces podcasts sont librement accessibles sur le carnet de recherche intitulée « Questions d'éthique et de droit » à l'adresse https://éthiquedroit.hypothèse-au-pluriel.org. Les podcasts ont été conçus par Véronique Ginouves, ingénieure de recherche CNRS, archiviste à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, et Isabelle Gras, conservatrice des bibliothèques au sein du service commun de documentation d'Aix-Marseille Université. Ce projet a pu être réalisé dans le cadre d'un appel à contribution du J-Surfist. Vous entendez les voix d'Isabelle Gras en introduction et en conclusion, et de Véronique Ginouves au cours des entretiens. Annick Boissel, archiviste indépendante, a réalisé les montages et proposé les illustrations sonores et textuelles. Elle a sélectionné la musique intitulée Arabesque sur la plateforme freesong.org, placée par son auteur Vrima sous licence CC0. Le service commun de documentation d'Aix-Marseille Université ainsi que les équipes des unions régionales de formation à l'information scientifique et technique ont accompagné cette réalisation. Nous accueillerons avec intérêt vos commentaires sur le carnet. Merci de partager ce podcast sur vos réseaux. À bientôt pour un prochain épisode de Juréthique Playlist.